Je n'avais d'amis dans mes nuits qu'un piano. C'était mon oiseau, mon ciel bleu, ma vie. C'était tout ce que j'avais pour trouver la paix. Je rêve toujours d'une terre.